éternelle. La vie des femmes incroyables qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une femme qui a marqué l'histoire du sport et qui reste un symbole de la lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes, Catherine Switzer. Elle est née en 1947 en Allemagne. Dès son enfance, elle aime courir et se dépasser. Mais à cette époque, le sport féminin était très limité. Beaucoup pensaient que les femmes n'étaient pas faites pour courir de longues distances et qu'un marathon pouvait même leur nuire physiquement. Ces idées étaient tellement ancrées qu'il était difficile pour les femmes de participer à des courses officielles. En 1967, Catherine, qui a alors 20 ans, décide de s'inscrire au marathon de Boston, qui était strictement réservé aux hommes. Pour que les organisateurs ne remarquent pas que c'était une femme, elle utilise l'initiale de son prénom et devient K. Switzer lors de l'inscription. Ceux-ci ne remarquent pas tout de suite que ce n'est pas un homme et elle se retrouve au départ avec un dossard comme tous les autres coureurs. Pourtant, quelques kilomètres après, un officiel furieux de voir une femme courir essaye de le lui enlever et de la faire sortir de la course. Heureusement, d'autres coureurs et son compagnon la protègent et elle continue sa course jusqu'à la ligne d'arrivée, finissant le marathon complet malgré tout. Catherine Switzer devient alors la première femme à officiellement courir et terminer le marathon de Boston avec une inscription valide, même si d'autres femmes avaient déjà couru sans être enregistrées. Cette image fait le tour du monde. Une femme déterminée refusant de se laisser arrêter par des règles injustes. Elle termine le marathon, prouvant que les femmes étaient tout à fait capables de courir ces distances. Cet exploit a eu un impact énorme. Il a contribué à faire changer les règles et à ouvrir progressivement les marathons aux femmes. À partir de 1972, les femmes ont pu s'inscrire officiellement à Boston sans avoir à user de stratagèmes. Catherine Switzer devient aussi une figure emblématique du mouvement pour l'égalité dans le sport. Elle continue de militer, encourageant les jeunes filles et les femmes à pratiquer le sport et à ne pas se laisser limiter par les préjugés ou les règles établies par les hommes. Aujourd'hui encore, Catherine Switzer reste une inspiration. Elle montre que le courage individuel peut provoquer de grands changements et que la persévérance face aux obstacles est essentielle. Son parcours nous rappelle qu'il est toujours important de se battre pour ses droits.